Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est samedi et c'est le moment de votre émission préférée sur le disco et le funk. C'est parti pour la découverte avec Penny McLean. De son vrai nom, Gertrude Wirschinger, elle est née en Autriche en 1946. Alors elle débute au début des années 70, d'abord dans un duo, Barbara et Helmut, puis dans un trio, Tina et Lisa and Penn. Elle entre ensuite dans le groupe Silver Convention. En 1975, elle commence une carrière solo et sort en novembre 75 un hit, Lady Bump, qui se vend à plusieurs millions d'exemplaires à travers le monde. Penny McLean se tourne alors vers la numérologie et l'ésotérisme et publie de nombreux livres sur ce sujet en allemand. C'est parti pour l'écoute. Hey, I'm glad you came in here tonight. I'm so itching to dance, I can't stand it. And I was counting on dancing with you. It's a Saturday. Aujourd'hui, pour notre rubrique des 100 hits, on va s'intéresser à Charlie Calello et son titre Sing, Sing, Sing. Charlie Calello est un talentueux producteur et arrangeur. On lui doit les hits Lady Marmalade et Native New Yorker, entre autres. Alors, l'une de ses spécialités est l'écriture pour Big Band Jazz. Il se fait plaisir en 1979 avec l'album Calello Serenade, sur lequel il reprend en mode disco des standards du swing des années 30 et 40. Sing, Sing, Sing est le seul à sortir en single. L'original est composé en 1936 par le trompettiste Louis Prima. Alors que Calello reprend presque à l'identique l'arrangement et le revitalise avec un beat et un son disco qui font mouche sur la piste de danse. Cette version est une bonne illustration de la nostalgie de l'époque où l'on dansait au Savoy, comme on le dit Chic dans son hit Le Freak. Le swing et le disco naissent tous les deux après une crise économique et symbolisent ce besoin de s'amuser. Alors que Luis Prima invite à chanter dans Sing Sing Sing, 40 ans plus tard, Chic lance le même style d'invitation avec Dance, Dance, Dance. C'est parti pour l'écoute. Alors on passe à la phase B. On va se refaire un peu de Bee Gees. If I Can Have You est la phase B de Staying Alive. Elle apparaît dans le film Saturday Night Fever, mais interprétée par Yvonne Elliman. C'est d'ailleurs à cette dernière que reviendra la paternité. Le morceau est composé par Barry Gibbs. Les Bee Gees vont l'enregistrer à leur tour, mais cela sera celle d'Elliman qui sera retenue. Le titre a été créé en 1977 au château d'Hérouville en France. Et ça donnait ça. Le maxi, on y va. Carrie Lucas et son I Gotta Keep Dancing, ça vous parle? Il est extrait du quatrième album, Portrait of Carrie, de l'artiste. Il atteindra une modeste 10e place aux USA. Initialement sorti en 1977, la version fut remixée pour cet album. Il fait partie des deux titres les plus connus de Carrie avec Gotta Get Away From Your Love. C'est parti pour 7 minutes de bonheur. gotta keep dancing. Music stop. pour la pépite, c'est Boney M qui va avoir les honneurs. On va s'écouter Fever, extrait de l'album Take the Heat Off Me, sorti en 1976. Ça aurait pu être, on aurait pu aussi le mettre dans la rubrique la reprise, car à l'origine, c'est un titre de Little Willie John, sorti en 1956. De cet album sortiront également les titres Daddy Cool et Sonny. Vous allez avoir la fièvre, c'est parti! Fadjet, à Nancy, sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Alors, on arrive au terme de notre émission. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon dimanche, une bonne semaine. Et je vous dis à samedi prochain, même heure, même endroit. Bye bye. We'll be right back.